placé dans l'eau. Et toi au milieu, qui défonce des portes ouvertes et ça ne sert à rien. De l'autre côté c'est idem, je ne suis qu'un con qui a cru exister. Je ne suis qu'un con, j'ai cru que je pouvais t'aimer. J'ai cru mais je me suis gouré. Je ne suis qu'un con parmi des milliers et prier. Je nie mensonge ni trahison, que le meilleur me soit, mais rien ne fut. Je n'ai voulu que grâce et je n'ai eu que châtiment, souffrance, douleur, bâton. Oh, oh, oh, je ne suis qu'un con qui a cru en la raison. Je ne suis qu'un con, je ne suis qu'un con. Quel égard à mon égard, aucune. Je ne suis qu'un con.